se dirige du côté de la Norvège pour notre première pièce et c'est la formation Tusmork qui vient de lancer un second extrait de son 10e album studio, un album qui devrait être lancé le 18 août prochain et qui a pour titre Hestehoven, c'est-à-dire sabot de cheval. Tusmork, bon, on sait qu'il y a des musiciens norvégiens connus qui se cachent sous différents noms, et je pense être quasi 100% sûr maintenant que c'est que Åge Bonden, God Goldstein, bon, le claviériste du groupe, est en fait Lars Fredrik Freusley de Wobbler. Il faut mentionner que suite à l'apparition de au moins 3 disques pour enfants, Tusmork revient véritablement au prog avec ce 10e album studio. Et puis, on aura du Chili Hills avec un 6e album studio intitulé Bahamut, un disque inspiré de l'œuvre de science-fiction du même titre de l'écrivain chilien Francisco Ortega, un écrivain qui est pas mal connu dans son pays. Et Marc, après, on se dirige du côté de l'Angleterre. Oui, avec un groupe formé à Londres en 2009. On parle ici de Hats Off Gentlemen, It's Adequate, qui vont faire paraître leur nouvel album intitulé The Light of Ancient Mistakes le 9 septembre prochain. Alors, on aura pour vous ce soir un second extrait de cet album. C'est déjà le 7e pour cette formation. Mais on débute, comme vous le disait Michel, avec la formation Tusmork. Skål! Constance dear, som lever i hans høyhet står. Langs en dyretråkk, forbi en flokk av får, fram til jeg til guden går. Fram til jeg til guden går. Fram til jeg til guden går. Fram til jeg til guden går. Oh, Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous voulez tout savoir sur l'édition 2023 du Festival d'été de Québec? Vous désirez assister à des discussions ludiques avec vos artistes préférés de la programmation? Alors venez débuter vos soirées en bonne compagnie avec l'équipe de sorties culturelles au bar Le Sacrilège. Entrevues et musique, en plus des critiques, recommandations et coups de cœur de nos collaborateurs sont au menu. Du 6 au 16 juillet, de 16h à 17h30, en direct du 447 rue Saint-Jean et sur les ondes de CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Pour la prochaine demi-heure, on a choisi de vous présenter un extrait de 40 Days Beyond the Air. Ce sera la pièce Broken Bars. C'est le second album pour cette formation italienne que j'avoue avoir un petit faible pour. Je pense que c'est notre troisième extrait qu'on présente. On aura tout de suite après Anders Buas, le guitariste norvégien. Il va avoir une réédition le 25 août de son tout premier album solo, The Witches of Finnmark, un disque qui était introuvable depuis un bon moment. Et avant de se lancer dans sa carrière solo, Anders Buas a notamment accompagné le chanteur Paul Di'Anno, l'ancien de Iron Maiden, c'était en 2008 pour une tournée. Et après, on aura des Pays-Bas, I Spy, un groupe qui va présenter en septembre un album double intitulé While the War Began, et ce sera suivi, Marc, par un groupe de chez nous. Oui, en effet, c'est la formation Rouge Ciel. Ils ont trois albums à leur actif, un premier éponyme paru en 2001, un second en 2004 et leur plus récent en 2010, qui a pour titre Bryologie. On écoutera la pièce « Sous le vent » et ce sera suivi d'une formation américaine « Stratospherius » avec John Denninson qui viennent de faire paraître un coffret en spectacle, donc 4 CD, un DVD et Blu-ray. Et c'est un coffret qui a pour titre « Behind the Curtain, Live at Prague-Stock ». Et on y présente des spectacles de 2019 et de 2021. On aura pour vous la pièce One Foot in the Next World. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, une nouvelle pièce de la formation de 40 Days. think too much about trusting people. Never ever think too much but run into them. Never ever sell your soul for some but a moment. Never ever sell your truth for feeling good.

This is called One Foot in the Next World. I looked into your eyes last night. Your pupils were just neon lights. Ran off into the netherworld with only your words to entertain us. You say you'll see the end of days. You'll lead us through a tragic maze. You stand up for the little guy. You'll quench your life thirst and try to drain us. Twist. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Du 6 au 16 juillet, le Festival d'été de Québec vous propose vos artistes favoris sur 5 scènes situées au cœur de la ville de Québec. Imagine Dragons, Foo Fighters, Lana Del Rey, les Cowboys Fringants, Green Day et bien d'autres feront vibrer notre capitale nationale. Vous n'avez pas votre passe? Pas de problème. Rendez-vous sur la scène Hydro-Québec où la programmation gratuite vous en mettra plein les oreilles. Retrouvez notre programmation au feq.ca. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation américaine Glasshammer qui faisait paraître en 2013 une version deluxe édition de leur album The Unconsolable Secret qui était paru à l'origine en 2005. Et puis, sur cette nouvelle édition-là de 2013, il y a un disque supplémentaire où les pièces ont été remixées. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce Long and Long Ago, remixée, donc, de ce merveilleux album de Glasshammer, qui était déjà un album double. Alors, ça fait un bel album triple et le son est vraiment excellent des parties remix, d'ailleurs. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on aura un extrait d'un album concept. Oui, un album concept signé par Marco Bernard et Kimo Porsti, deux des membres de la fameuse formation de Samurai of Prague. Et c'est un disque en duo intitulé Gulliver. Et c'est basé évidemment sur le livre Gulliver's Travel de l'écrivain irlandais Jonathan Swift. Et comme tous les disques de Samurai of Prague, on a énormément d'invités pour contribuer à cet album, dont Steve Onoro qui fait partie de Samurai of Prague et de très nombreux musiciens italiens, dont Luca Scherani, Alessandro Di Benedetti, Mimo Ferri, Raphaël Pacha, lui est espagnol, Oliviero La Canina et j'en passe. Et on va écouter la pièce épique Lilliput Suite. My life will end here.

Thank you.

secret there. Still we question something here. Tales of joy and tales of fear. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Il Tempio delle Clessidre. Il Tempio delle Clessidre, c'était un titre d'une pièce de l'album Zarathustra de Museo Rosenbach, d'une formation italienne avec un certain Stefano Lupo Gallifi comme chanteur. Alors, il chante sur cet album, évidemment, de Il Tempio delle Clessidre. C'est l'album éponyme paru en 2010. On aura la pièce Insolita parte de mi. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Australie. Oui, il s'agit de Anubis, et ne pas confondre avec le groupe Anubis allemand, qui est un groupe de métal. Le groupe est né en 2004 à Sydney, et c'était à l'origine un duo, et le cercle des musiciens s'est agrandi. Un premier album est paru en 2009 sous le titre de 230503. En 2011 est paru A Tower of Silence. 2014, Hitchhiking to Byzantium. 2017, The Second End. 2018, Different Stories. Et finalement, 2020, ça fait 3 ans, Homeless. Eh bien, ce soir, on va écouter un extrait du second album, A Tower of Silence, et ce sera la pièce titre. Hit wall. I question if you're even there at all. Why can't you be right in front of me? Guide me on to eternity. Let me out of your withered cage. I'm trapped by words written on your page. What life is left to contemplate, trapped in this that you create. These tragedies, in time you'll see what is to be. Come with me. Reflected in scattered memory, this flower wells in misery. Thank you. cannot see, I cannot breathe, I cannot feel my love. I cannot see, I cannot breathe, I cannot feel your love in me. La mente inizio a raccontare quel che negli occhi altrui riesco a vedere, ma l'incomprensione si impadronisce di me, tutto svanisce, gli sguardi spenti e nulla più. On a décidé de vous laisser ce soir avec une pièce de la formation de Tangent qui a été formée par Andy Tillison en 2002. Et ce sera ici un extrait de leur troisième album, A Place in the Queue. Alors on aura la pièce Lost in London. C'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été avec nous. Revenez-nous la semaine prochaine et restez des nôtres à CKRL pour l'émission L'Autoroute qui suivra. My songs, no, I don't know if he heard them. We're with so much drama on the screen. But I didn't sign a contract. It was Andy, the 15. I was a Yorkshire kid in London. I didn't understand all the chaos and the mind the gap in your gold-paved business land. I was so small you could have eaten me. And ever since the taste, I was David, you Goliath. But my stones just went to waste. We'll be right back.